ton rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bon dia à la planète et à la famille. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un agréable week-end. Coucou à Alberto qui est déjà connecté. Salut Francky, belle journée à toi. Bon réveil, il est déjà 7h du mat, direction le taf aujourd'hui. Et faites gaffe quand même parce que les trains vont être perturbés aujourd'hui sur Orléans. Normalement ça devrait démarrer ce soir, hein. Bah oui, pour les retraites là, c'est des manifs qui vont commencer demain encore et encore. Donc soyez prudents sur les routes, des perturbations sur la gare de Fleury et d'Orléans, sur les bus aussi. Donc renseignez-vous si vous allez au taf ce soir pour rentrer, qu'il y ait bien des trains, hein. Il n'y en aura pas beaucoup, donc prudence et soyez courageux parce que ça va durer quasiment toute la semaine. Et ouais, mais bon, les retraites, hein, voilà, j'espère que ça va être annulé, j'espère. 7h01 en direct ce matin, et DJ Bertha pour bien démarrer, à ma mère, Bandit à la planète. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Depuis que tu vis dans ses bras, hey, il a retrouvé le sourire. fait déjà plus d'une semaine. Et je n'ai plus trop de tes nouvelles. N'es-tu pas content pour moi? Toi qui es mon ami, je sens que tu t'es loin de moi. Hey, à chaque fois que je suis avec elle, vos regards ne sont plus les mêmes. Je deviens parano. Toi mon ami, m'as-tu planté un couteau dans le dos? Sur la Pincelle 96 de FM, sur la fréquence qu'il vous faut, des perturbations, je vous l'ai dit, sur les trains d'Orléans, Fleury-les-Aubrais. Si vous allez au taf ce matin ou ce soir, si vous rentrez du boulot de Paris, eh bien, soyez prudents parce qu'il y a pas mal de grèves. Donc, soyez là, voyez là. Prenez patience. Marquito, de Portugal. Vou te dizer quem eu sou, um gitano cheio de amor. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Chez moi, les poils se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux détendent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Arc-en-ciel, bon dia à la planète et la familia. Salut à Marc qui est connecté là du côté de Saint-Privé-Saint-Mesmin. Belle journée Francky, je suis déjà au taf. On t'écoute à Donf dans l'atelier. Bah, ça nous fait plaisir tous les matins. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Orléans. Je vous le disais, hein, les perturbations sur les trains aujourd'hui, Orléans et Fleury-les-Aubrais. Bah, oui, demain c'est la grosse manif. Donc prenez un peu vos dispositions ce matin. La météo qui arrive sur Arc-en-ciel. La météo. Et là, c'est pas terrible cette semaine et toute la semaine quasiment, ciel très nuageux aujourd'hui, pas de pluie au programme normalement, les températures au lever du jour 1 à 2 degrés, ça va, c'est plutôt pas mal ce matin, on devrait dépasser les 8 voire 9 degrés, cette semaine malheureusement des nuages et la pluie qui devrait faire son retour à partir de mercredi et ce pour le week-end, mais des températures qui vont plutôt monter crescendo tout au long de cette semaine et ce week-end on devrait frôler les 15 voire 16 degrés, malheureusement des nuages et de la pluie, mais le soleil est au rendez-vous sur Radio Arc-en-Ciel comme tous les matins et on les adore. REC sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon dia à tous ceux qui viennent se réveiller et courage à vous pour le taf, on est là pour vous accompagner jusqu'à 9h en tout cas. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos y me los devuelves. Así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores. Que el amor Dios. Venga. Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más. Hacia la juguetona, como que no quieres la cosa. Me tiraste una mirada misteriosa. Yeah. Mátame, con esa boquita embriágame. Con tu cuerpo ven, sedúceme. Quitémonos ya la ropa, que así desnuda te ves más sexy. Para mí tú eres mi lady. Yo soy tu mamá, baby. Amigos con derecho, al buen provecho. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos y me los devuelves. Así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores. Seamos eternos, solo esta noche. Yo no te pido que seamos novios. Si siendo amigos ya nos damos de todo. Amigos con derecho y todos tus despechos. Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho. Amigos con c'est bon pour vous réveiller le matin. Maluma avec Res, Amigos con Derechos. Je parle bien espagnol en ce moment, ça va. Coucou à Pascal aussi qui est là, qui vient de se connecter. Salut Francky, belle journée à toi. Merci pour le son caliente dès le matin. Direction le taf à 8h moi. Faites gaffe au train ce matin, je vous le dis. Hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Renseignez-vous avant. Oliver Chetham, le meilleur de la musique, 1984, qui nous a quitté il y a déjà bientôt 15 ans, ça passe. Et Get Down Saturday Night. Belle journée et bon réveil. rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Frankie sur Radio Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas. Le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon envol, mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. Sur un arc-en-ciel, t'as le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est pas compliqué, positif. 7h25 minutes en direct. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Un rayon de soleil, peut-être pour moi, mais en tout cas pour vous, du côté d'Orléans, il n'y aura pas de soleil aujourd'hui. Hein. Malheureusement, des nuages et beaucoup de nuages. Les températures sont plutôt pas mal en début de matinée. Ça va, il gèle pas déjà, c'est la bonne nouvelle. 2-3 degrés, on devrait dépasser les 8 voire 9 degrés. Elodie qui voulait souhaiter un bon anniversaire à son papa Charles, qui fête ses 79 ans aujourd'hui. Happy birthday Charles. Voilà. Elodie, tu peux nous appeler si tu veux. 0238 43 48 00. C'est le numéro du standard si vous voulez nous joindre. Et Lucenzo qui arrive. Reggaeton Fevers. Arc-en-Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Mami, c'est Lucenzo. Reggaeton Fever. Aïe.

7h38, bon réveil à tous. Si vous venez d'arriver du côté sur le 96.2 FM, le 1er avril, il fera la première partie de la Jarry. Ça va être à l'Alliage. Olivier, je suis fier de mon poteau. Ouais, on l'adore ce Radio Arc-en-Ciel. C'est la famille de la radio, ça. Alex Le Bail, 1er avril à Olivier l'Alliage devant la Jarry. Ça va être énorme, mon poteau. Alex. Vague de chaleur, comme si d'un coup j'avais un cœur. Énorme ce concert, hein. Alex Le Bail, la première partie de la Jarry, le 1er avril à Olivet. Ils seront d'ailleurs nos invités un matin, là. Je suis en train de programmer la date. Ça va être énorme, la Jarry dans les studios avec Alex Le Bail. Et puis Alex qui nous écoute aussi du côté d'Orléans. Salut mon poteau. J'espère que t'as passé une bonne soirée. Encore un bon anniversaire à ta femme, Christine. Bah ouais, son anniversaire, c'était ce week-end, hein. Happy birthday to you. 7h40, Nestlé qui arrive avec Tu me manques. Almel de Gorge qui revient. Et Doula, Daddy Yankee sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour la planète et bon dia. Baile, si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente. si avec ça on vous donne pas l'envie d'aller travailler ce matin, justement, attention, hein, des perturbations sur les trains, sur Orléans, Fleury-les-Aubrais, ça sera ce soir, et puis aussi des dépôts de carburant qui risquent d'être bloqués cette semaine, ça va démarrer normalement mardi, donc allez faire le plein tout de suite, hein. Allez, je vais pas créer une panique, mais bon, on sait jamais, hein. Moi je pense à tous ceux qui vont bosser loin, par exemple, comme Arminda, qui est à Chartres, qui va bosser un petit peu quand même, et il y a de la route, hein, donc prenez un peu vos dispositions ce matin, si vous êtes en réserve, allez-y, hein, allez faire le plein tout de suite, hein. Ah ouais, moi je dis ça, je dis rien. Nestlé qui arrive. Et Ali, Yanakamura, on l'adore. Ah, c'est la petite soeur de Yanakamura, celle-là. Nestlé, sur l'air en ciel. 7h45 minutes. Coucou à Dédé qui est connecté. Ça va, Dédé. C'est joli, Dédé, comme prénom. Salut, mon Dédé. Et Georges Guerrero qui arrive sur le 22 avril avec Radio Arc-en-Ciel à Orléans. On vous en parle dans quelques minutes. Depuis que c'est terminé, je t'ai cherché. Tant d'autres hommes, mais aucun n'a pu me saisir comme je me suis saisie de toi. Nos personnes te ressemblent. Et on savait qu'il nous faudrait bien plus que des sentiments, je le savais. Et tu me manques, mon fils, sur le enfant. Imaginez de pas faire ma vie sans toi. C'est cliché, mais tu me manques, et ça me manque. Several Nino, let me climb you, let me show you my libido. What kind of dish we both say love you? It's simple, it's real, I adore you. Keep it so fast, Nino, let me climb you, let me show you my libido. I'm falling in love, night to dawn, I'll make you laugh. Baby boo, I love you, love you. De douceur dans ce monde de brut. Nessie avec Early Herman Nakamura, on l'adore. 7h48 minutes, bon réveil Bandy à la planète. Si vous venez arriver du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, salut à Léonie qui est connectée. Salut Francky, belle journée à toi. Je suis dans la voiture, je vais aller direct sur le taf. Je commence à 8h et je suis un peu à la bourre. Bah ouais, allez, plus vite. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et je vous parle du grand bal de la radio. On a le temps, hein, c'est le 22 avril, mais j'avais envie de vous en parler un petit peu ce matin. Georges Guerrero qui sera sur la scène de Radio Arc-en-Ciel le 22 avril, c'est à l'espace Montition, le bal de la radio à ne pas rater. Surtout, venez nombreux et nombreuses nous retrouver sur la scène. Et l'artiste qui arrive, et on l'adore, sur Radio Arc-en-Ciel, Avida Bella, j'espère que je le dis bien. Georges Guerrero, c'est sur Radio Arc-en-Ciel, Bandit à la planète. Et José qui vient de se connecter. Salut Francky, belle journée à toi, je suis dans le camion, je vais bosser. Bah oui, il faut y aller au chantier, mon ami, hein. C'est ça que c'est bon. Le 22 avril, sur la scène de Radio Arc-en-Ciel, c'est Georges Guerrero, Bandit à la planète. É bom demais viver a vida. Quero te ouvir a cantar, tchalalalala. Eu quero mais, mais alegria. Sentir o mundo em Tiens, Bell, George Guerrero, il sera sur la scène de Radio Arc-en-Ciel le 22 avril, le bel de la radio à ne pas rater. Ça sera à Montissier, on vous attend nombreux et nombreuses pour faire la fête sous le soleil de la Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, 7h50, Doudou qui est connecté, salut Francky, Bandi, à toi aussi la planète comme tu dis tous les matins, bah ouais. On est là pour vous sortir du lit, vous emmener au bureau, au boulot, sur le chantier, dans le camion peut-être. C'est ça que c'est bon le matin avec celui que vous adorez, Rui Bandera et Locura di Amore. Dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et on vous réveille ce matin, et Jordan qui est là. Jordan qui doit avoir mal à la gorge aussi, il a fait la fête tout le week-end à la soirée portugaise, c'était à Changi ce week-end. Et les déjà connectés sur Radio Arc-en-Ciel. Bonne journée à toi, Bandia Eduarda, Bandia aussi à José del Rico. Je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais José del Rico, on te souhaite une belle journée aussi. Du côté d'Orléans, Saint-Privé, Saint-Mémin, à la chapelle, je vous rappelle les températures aujourd'hui. Le ciel est très nuageux, c'est plutôt pas mal quand même, 2-3 degrés ce matin. Et on devrait dépasser les 4, 5 à 9 degrés aujourd'hui sur Orléans, Pithiviers. Ou encore Saint-Privé, Saint-Mémin, du son qui arrive. Et Toy sur Radio Arc-en-Ciel et le collectif Métissé avec C'est la vie. On vous souhaite une belle journée sur la radio couleur. Arc-en-Ciel Orléans, 96.2 FM. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda noite, vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda noite. Se estás cansada,

une minute sur Radio Arc-en-Ciel avec le collectif C'est la vie, on va s'aimer, on va chanter, on va danser, l'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. Alors, que va-t-il se passer ce matin? Bah déjà, il y a des grèves, donc des trains perturbés aujourd'hui, ce lundi soir et ce lundi matin. Donc faites gaffe, hein, si vous devez prendre le train aujourd'hui et retourner à Paris, par exemple, ce soir, ou revenir de Paris, ça va être assez compliqué, même pour les bus. Hein, demain, journée internationale de la grève à Paris pour défendre les retraites encore et toujours. L'horoscope, on démarre avec les béliers. Vos initiatives seront appréciées par les membres de votre famille. Vous serez plein d'attention pour vos proches et vous saurez être à l'écoute de ceux qui ont besoin de vous. Les taureaux, en amour, vous n'aurez pas d'efforts particuliers à déployer pour séduire votre charme. Il agira tout seul. Les gémeaux, vous vivez en couple en ce moment et vous adorez. Vous nagez dans le bonheur. Tout au baigne ce matin. Voilà pour les gémeaux. Pas mal les gémeaux, pas mal. Les cancers, ah là ça devient intéressant. Si vous savez préserver votre intimité, ça devrait être une journée idéale pour vous. Les lions célibataires, remettez-vous en question des fois. Le fautif n'est pas celui que vous croyez. Les vierges, vous n'aurez qu'une envie, faire partager à votre entourage votre bonheur intérieur. Les balances, les célibataires, vos idées romantiques vous empêchent de voir un détail capital pour votre avenir. Les scorpions, certains se sentiront attirés par une personne de leur entourage professionnel. Oh là, il y en a qui vont arriver au boulot ce matin, ça va mater un petit peu partout. Hein. Les sagittaires, si vous devez prendre d'importantes décisions au sujet de votre vie familiale, n'attendez pas. Les capricornes célibataires, ne vous attendez pas à des miracles, mais vous ne tarderez pas à découvrir de nombreuses affinités avec une personne de votre entourage. Les verseaux, les célibataires, votre vie sentimentale se présentera enfin sous un jour favorable aujourd'hui. Et les poissons, pour terminer, vos amours se portent à merveille. Aujourd'hui, câlin, tendre, complicité au programme de cette journée. Si ça, c'est pas nager dans le bonheur qu'on vous dit pour les poissons, elle est facile, le matin de bonheur, la version Jérusalem en Portugal. Et c'est Digi Berta qui s'y colle. Et on adore sur Radio Arc-en-Ciel. Bon dia la planète. Bon courage à tous ceux qui vont travailler. Eduarda qui est là, qui nous écoute sur le 96.2 FM. Jerusalém é o meu lugar. E agora eu sei, salva-me, não me deixes aqui. Quero sair, é o meu lugar. Avec DJ Berta Kounar. Ah, ça c'est connu là-haut. Ah ouais. Oh, force à le Portugal ce matin. Avec Jérusalem. Heureux d'être là, c'est Franky dans la radio. 8h09 minutes. Et la météo. La météo. Pour aujourd'hui, le ciel est très très nuageux. Pas de soleil prévu et carrément toute la semaine. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite, les amis, il y aura pas de soleil. Aujourd'hui, les températures au lever du jour, 2 petits degrés. Ça va, on était pas mal ce matin quand même. Hein. Et on devrait avoisiner les 9, voire 10 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que toute la semaine, le temps va être quasiment pourri. Bah ouais, ouais, ouais. Là, on n'a pas de bol. Hein. Cette semaine, franchement, vraiment pas de chance du côté de Pithiviers, Saint-Jean-de-Bray, La Chapelle-Saint-Mémin. Des nuages, malheureusement, et la pluie qui devrait faire son apparition mercredi. Donc, bah, pas de bol aujourd'hui. Pas de pluie au programme, normalement, vu le site de Météo France. Donc, pas de parapluie, de kawé ou de bottes en caoutchouc prévu au programme. En tout cas, du son qui arrive. Et sensualité avec les Tropical Family. Bandit à la planète, à la familia. Tropical Family, sensualité, belle journée à vous. Alex qui m'a envoyé un message. Salut Francky, belle journée, je vais chercher les croissants, je travaille pas pour ma petite femme qui dort encore. Oh, toi tu veux te faire pardonner quelque chose mon ami. L'artiste baby, mafiosa du Brésil, du Portugal, ce matin, bah oui, bon dia. 8h12, minutes en direct et mafiosa. Je suis en train de prendre mon thé, moi tranquille, hein, comme vous, peut-être au café. Stéphane qui nous passe un message. Très bon lundi à tous et prenez soin de vous. Gardez le sourire, levez la tête. Rodrigo Reis, mon ami qui apprend Bruella à merveille et vous l'adorez. Il sera là en ciel, je te le dis quand même. Suena dis-le que tu l'aimes. Dis-le. La famille de la radio, bah nous aussi on vous aime le matin, 8h18 en direct. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Oh là, bondir la planète à la famille, il y a du côté d'Orléans, Saint-Privé, Saint-Mémin, il y a Doudou encore qui est connecté là, qui va au taf ce matin, il commence à 9h, belle journée à toi Francky. Il le dit même lui, hein, faites gaffe, les grèves sont prévues donc demain, mais aujourd'hui, des perturbations sur les réseaux ferroviaires d'Orléans, Fleury-les-Aubrais, même pour les bus, je crois que demain ça va être un peu galère. Hein. Demain, là, quasiment la France va être... sous la grève internationale, donc prenez vos dispositions si vous faites du télétravail, comme nous, hein, la radio on peut faire du télétravail aussi. Oh baby, ça arrive sur Radio Arc-en-Ciel et ça on adore. En bandit à la planète, hein, bandit à José Del Rico, il est là mon ami du matin et vous l'adorez le brésilien Kevinho, MC Kekel. Oh baby, j'adore. Porque você não me atendeu, já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Princesa, mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do que na minha voz, quer vir quem quer. Seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Princesa, mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. E mais uma vez, no toque da nave, é o Rafinha. RSQ. Ciel, ta radio soleil dès 7h avec Francky. No por pobre y feo, pero antojado. Tengo la camisa negra. Hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber el veneno. Tengo cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. Camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Bientôt, ça passe tellement vite, ça. Juanes, l'Espagne, avec la camisa negra. Belle journée à vous si vous allez au taf ce matin. Peut-être vous emmenez les enfants à l'école, alors courage. C'est pas facile, les enfants, hein, dans la bagnole. Aidez-vous, bah, allez, on y va. 8h25, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a des grèves, hein, peut-être sur les trains. Donc faites gaffe, hein, soyez prudents si vous partez à Paris. Si vous allez rentrer ce soir, surtout, ça va être un petit peu bouchonné, à mon avis. Le son caliente, toujours pour bien vous réveiller. Le beau duo, il y a presque 20 ans aussi, oh là là, tout passe vite. Nadia avec Enrique Iglesias, Terrain of Bank. Sorry, belle journée et bon courage pour le taf ce matin. L'histoire à sauver, sans plus chercher à t'excuser. Beneath the silver moon. Ah! j'adore ce duo le matin comme ça, ça fait du bien. On a l'impression qu'ils sont en couple, hein, mais même pas. Nadia Enrique Iglesias, Child of Bank 3, face au destin, laisse l'emporter. Bah ouais, c'est ce que dit Stéphane aussi sur internet là, qui nous écoute sur Olivier. Salut Stéphane, il est au bureau. Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM, ou alors sur le net, vous tapez Arc-en-Ciel Orléans et voilà, vous êtes connecté directement. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Ah oui, dès 7h, je vous réveille avec Kylvé. Je t'emmène au soleil là. Avec, imagine là 40 degrés là. Non, c'est bien au bord de la piscine avec un petit cocktail sans alcool, tranquille. Ah ouais, mais non, c'est le boulot ce matin. Ah, je suis tout niqué là. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. 8h31 minute en direct. Purple Disco Machine qui arrive et vous adorez sur Arc-en-Ciel. J'adore ce groupe moi, je sais pas, j'adore ce DJ. Il est phénoménal. ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Mi corazón me pide más, nena. Dámelo, baby. Mi corazón me pide más. Mas, 8h40 minutes, heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Le 1er avril, il sera en concert avec La Jarry, il fera la première partie de La Jarry, c'est à Olivier à l'Alliage, ça va être énorme. Alex Levaille, que vous avez pu retrouver plusieurs fois à la radio. L'Orléanais, d'ailleurs, le nouveau clip qui arrive, La Vie, a été tourné à Orléans. Et Alex Levaille, le nouveau, 1er avril, c'est à Olivier à l'Alliage avec La Jarry, il fera la première partie, c'est énorme. Ainsi, Alex Levaille et La Vie. J'avais un rêve, jamais je n'ai osé, de peur qu'on me relève après m'être effondré. on redescend. Adieu. On adore Alex Le Bail. Je le rappelle, 1er avril à l'Alliage à Olivet. On fera la première partie de la Jarry avec La Vie. Belle journée, bon réveil pour vous qui venez d'arriver du côté d'Orléans, 8h41. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est très nuageux, les températures relevées du jour, 2-3 degrés, on devrait dépasser les 8 voire 9 degrés, toute la semaine ça va être quasiment la même chose, hein, des nuages, la pluie malheureusement qui devrait faire son apparition dès mercredi, bah ouais c'est comme ça, en tout cas on a plein de soleil vos filets, et la version Lasagne avec LP sur la console, bon réveil. Oh, soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. J'adore, quel remix du DJ parisien La Belle Vie, on adore. Daniel Balavoine, version 2023. La Ziza, c'était une des premières en radio là. Ouais, on le fait découvrir ce matin, cette version que vous adorez. Un petit clin d'œil à notre ami Daniel Balavoine qui nous a coûté en 86. Voilà, c'était le petit coup de cœur ce matin. Daniel Balavoine 2023, Gasoline, Pitbull, Lee John et Daddy Yankee. Niños de la escuela. way I do it. And flowing on that conduit. Call me Papi Chulo. Tell me no way, dame uno. Bang, mami, vamalos. Dale, dale, culo. Bang, chula. Booty, no basura. This is the way we make it with Daddy Yankee and Norby. Name another rapper messing with reggaeton before me. Caliente, suavemente, tranquilo, bendito. Toma tu gasolina, tío, algo pendiente. Si vous allez au travail ce matin sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel, Daddy Yankee, la gasoline, 8h54 minutes, on est en direct et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver tous les matins jusqu'à 9h. C'est Francky et DJ Balta le son merengue. Dans la radio, à ma mère, vous adorez sur la Franciel. Je vais vous retrouver demain à partir de 7h. Je vous laisse avec Leandro. Bon dia à la planète et la familia. Courage à vous si vous allez au taf ce matin. Conversa sem que eu nada peço, fala sem voltar e entre. Entre beijos de arrependimento, falo os meus sentidos. Por momentos quase que me rendo, mas o sentimento traz também a dor. Essa dor que não me faz mudar o verso do que eu digo. Eu mudei. Já não sou mais aquele com quem tu brincavas e rias de mim. Eu mudei. Deixei de ser o homem que tu sempre usaste. Avec le Portugal, rendez-vous demain 7h-9h, soyez prudents sur les routes et courage à vous pour le taf. RDP International qui arrive et il est 9h, direction le Portugal. Muito bom dia, 8 horas da manhã, são 7 nos Açores, vamos ter em destaque a esta hora. Para chegar às casas devolutas, o governo vai obrigar as empresas de água, luz, gás e comunicações a entregarem todos os anos uma lista das casas sem consumos ou com consumos baixos, conta o Jornal Público esta segunda-feira. A encruzilhada da igreja, o que fazer com a lista de padres que a Comissão Independente entregou, América Guiar diz as vítimas primeiro, Manuel Clemente defende que...